Savez-vous qu'en France, plus de 90% des enfants de 3 ans sont scolarisés à l'école maternelle ? Or, selon la moyenne calculée, tout pays de l'OCDE confondu, seulement 79% des enfants de 4 ans sont scolarisés. Par ailleurs, les fonds privés représentent plus de 48% du financement total de l'école maternelle en Australie, en Corée et au Japon, contre seulement 6% en France.